بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، ما زلنا في مقدمة هذا الكتاب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلف الشيخ العلامة المحدث الفهامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ومما سبق معنا في الدرس السابق أن أخذنا يعني بعض ما يتعلق بنعم فضائل مجالس العلم والآداب الذي ينبغي المراعاة فيها، يعني concernant le cours de la semaine dernière, il avait tourné autour des mérites des assises de sciences dans lesquelles le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été évoqué, et kadhalika, yani des bonnes conduites et du bon comportement à y observer. Donc il a été évoqué dans ce cours-là précédent, yani histoire de faire une petite muraja'a, il a été évoqué dans ce cours précédent, yani 9 bonnes conduites, inshallah, à observer dans les assises de dhikr, dans les assises de ilm. Le premier point, c'était l'ikhlas, la sincérité. Le fait de rechercher à travers ses assises et de la science, yani l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et les autres demeures du paradis. Le deuxième point, c'était le jid wa l'ijtihad, l'effort et le sérieux. Car la science, comme nous l'a dit al-ulama, yani n'est pas donnée aux personnes qui sont paresseuses. Le troisième point, qui regroupe trois points, c'était le fait yani de se documenter avant yani le cours. Une documentation yani au préalable du cours auquel tu vas assister. يعني qui s'appelle التحذير باللغة العربية. وكذلك المراجعة، réviser le cours يعني étudier. والمذاكرة، le fait de se remémorer les connaissances afin qu'elles ne soient pas oubliées. Le quatrième point qui avait été évoqué, علو الهمة، يعني avoir des grandes ambitions, être déterminé à ce que la science يعني te soit en profit ainsi qu'à l'islam et les musulmans. Le cinquième point, العمل بالعلم، العمل بالعلم، يعني œuvrer en conséquence des connaissances. Car le fruit de la science, c'est de vrai. Le fruit de ces assises, c'est qu'elles soient en profit et qu'elles soient suivies, na'am, par des actes. Comme قال الله سبحانه وتعالى, بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Il est dit dans ce verset, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui prêtent l'oreille à la bonne parole, puis la font suivre à une action. Ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Le sixième point, الصبر على التحمل, le fait de faire preuve de patience afin d'acquérir la science. Le huitième point, يعني أن يكون لدى الطالب صدرا واسعا يعني عند مسائل الاختلاف التي فيها الخلاف يعني يسوق. يعني dans l'étudiant il doit faire preuve de douceur dans les sujets dont les interprétations sont diverses. Le dernier point qui a été évoqué dans cette assise-là, c'est yani تجنب الكبر والاستحياء. Yani le talib, il doit se tenir à l'écart yani des choses comme l'orgueil et la timidité, car elles sont un rempart entre l'étudiant et la science. فندخل إن شاء الله في الدرس اليوم. وهو إن شاء الله يتعلق يعني بترجمة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فنأخذ نبذة موجزة يعني من ترجمته. وبدون شكر الله وبعضي إن شاء الله سوسوار يعني لبيوغرافي دو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فيعني ترجمته يعني بالإجمال quant à la biographie d'une manière générale de cet auteur, cet grand imam, يعني il est tellement bien connu qu'il n'a pas besoin d'être présenté. Cet auteur n'est autre que le grand imam, le grand érudit, l'imam al-mujaddid, al-muhaddith, al-sheikh, Muhammad Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, à qui on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense et qu'il fasse miséricorde à ce brillant homme, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait parvenir des terres non arabes, de l'Albanie jusqu'au balad de Sham, pour régénérer, revivifier le din dans lequel il était plongé, dans l'association التعصب وكذلك الاتباع يعني المذاهب الأربعة يعني le suivi aveugle des quatre écoles en jurisprudence qui est الحنبليت الشافعية مالكية والحنفية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait naître au début de chaque siècle yani ceux qui vont donner renaissance à ça, au dîn pour la communauté et nul doute que cet homme comme l'ont témoigné les savants de son époque fait partie des mujaddidin yani du 14e siècle cela est bien connu car il s'est démarqué aux différents des autres savants de son époque par la connaissance de la science du hadith science dans laquelle il a brillé et les a surpassés Sachez qu'Allah nous fasse et vous fasse miséricorde que la science du hadith dans laquelle cet homme a triomphé résulte à connaître la véracité des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses sahaba et de ceux qui les ont succédés, at-tabi'in. Ce noble savoir est la source des sciences religieuses. Car comme l'ont évoqué certains savants, il est impossible de concevoir qu'une personne soit devenue un savant tout en ayant ignoré ce noble savoir. Car en effet, comment est-il possible que le faqih, yani le jurisconsulte, base ses connaissances dans le fiqh s'il ne connaît pas la véracité des hadiths sur lesquels il veut émettre ses jugements? Il ne peut pas. Et l'un de même pour Al-Mufassirin, comment il peut interpréter un verset par des hadiths du prophète sallam ou par des athar alors qu'il ignore la véracité de la récit? Ce noble savoir est la base de la science, comme a dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Aslul ilm at-tathabbut. La base de la science, c'est s'assurer de la véracité des connaissances. Et son fruit est la préservation. C'est évident que celui qui triomphera dans cette science aura en main le moyen de triompher dans les autres sciences. Il aura entre les mains le moyen d'être une référence. Il aura yani, la science dont les autres yani, ils seront dépendants. Yani, par rapport à ces jugements, comme c'est le cas de l'imam al-Ba'i rahimahullah ta'ala. Cet homme a fait part d'une abnégation, d'un dévouement dans la sunna du prophète sallam et celle des compagnons, d'une manière qu'on ait connue auparavant. Sa maîtrise dans la science du hadith était au point même que certains des personnes qui le haïssaient, et que même certains innovateurs, n'ont pu évoquer un hadith en dehors des recueils de Bukhari ou Muslim, sans qu'ils évoquent à la suite le jugement de cet imam. Ceci nous prouve, il y en a la grande science de cet imam, il y en a au point où certains, il y en a des gens étaient dépendants de sa science. Hatta al-mubtadi'a, ceux qui les détestaient, il ne pouvait pas se passer de sa science. قال الله سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله عز وجل. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah سبحانه وتعالى élève en degré ceux qui parmi vous ont cru ainsi qu'à ceux à qui a été donné la science. Son qaboul, son approbation auprès des gens de ce bas monde est telle qu'il est même devenu un objet lucratif, yani pour certains libraires. Ils exploitent son nom afin de faire accroître yani, leur marché. Cela nous prouve al-qaboul al-shadid inda. Cela nous prouve que cet imam kadhalika a une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala fi ma nahsubuhu wa la nuzakki Allah subhanahu wa ta'ala ahadan. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, il fait de lui une personne acceptée, honorée, réputée auprès des gens, des pieux de ce bas monde. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam in hadith Abu Hurayra alladhi rawahu l'imam muslim, in Allah subhanahu wa ta'ala idha ahabba abadan da'a Jibril, inni uhibbu fulana fahibba fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fi s-sama' inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahlu s-sama' thumma tuda'u lahu al-qubul fi l-ard. Rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith authentique qui a été rapporté par Muslim, il nous dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime un tel ou une personne, il appelle Jibril pour lui faire savoir, pour lui faire parvenir qu'il aime une personne. Et Jibril à son tour l'aimera et s'écriera dans les cieux Allah subhanahu wa ta'ala, il aime un tel, donc aimez-le. Les gens des cieux l'apprécieront, puis l'approbation dans ce bas monde lui sera accordée. Quant à l'approbation et les éloges des savants au sujet de cet imam Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est un grand mujaddid, même peut-être le savant de ce siècle, a fait une grande éloge yani, sur ce savant-là. Il dit, je ne connais de personne sur terre, dans le siècle yani, dans lequel nous vivons, qui soit semblable Al-Sheikh Al-Albani, un dans la science du hadith. Je ne connais pas de personne qui soit semblable à lui dans la science du hadith. Et كذلك الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله ووفق الجميع. Il dit, cet homme-là, au sujet de Sheikh Al-Albani, cet homme fait partie des savants exceptionnels, des personnes qui ont sacrifié leur vie au service de la sunnah, de la da'wa ila Allah, de la prise de défense de la croyance des salafs, al-aqidas al-salafiyah, à la sauvegarde de la sunnah, et a combattu et en est contre la bid'a. Il fait partie des perles rares, parmi les savants dont tout le monde peut en témoigner, yani qu'il est une perle rare. Et sans aucun doute, il dit, la perte de savants, yani de la sorte de Sheikh Al-Albani, est une calamité pour la communauté. Puis il conclut cet éloge en disant, puisse Allah subhanahu wa ta'ala en demander à Allah azza wa jal, qu'il le rétribue en bien des énormes efforts qu'il a présentés, et qu'il le fasse rejoindre les largeurs du paradis. Sheikh Al-Uthaymi, rahimahou ta'ala al-Mujaddid, l'imam al-Rabbani, dit au sujet de Sheikh Al-Albani, ce que j'ai pu connaître de lui à travers les échanges qu'on a pu avoir, na'am, est qu'il est fortement attaché à la pratique de la sunnah et à combattre la bid'a, que ce soit dans les domaines de l'aqidah ou du minhaj. Il dit, quant à ses ouvrages, j'ai pu ressentir à travers la lecture de ses livres qu'il avait un grand savoir, et surtout dans la science du hadith, que ce soit au point de vue des chaînes de transmission ou bien des textes, yani as-sanad ou al-matn. Et il dit, ces ouvrages, yani, ils sont un grand profit pour l'humanité, que ce soit au point de vue scientifique, du minhaj, ou bien de la science du hadith. Yani, sa science était large. Et il dit, quant à ses investigations, ses recherches, ses tahqiqat fi l'ilm, il dit, elles étaient vraiment d'une grande qualité. Et personne, yani, on n'a pas trouvé de personne, yani, qui haqqaq, yani, as-sunnah, comme l'a fait al-Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Quant à l'imam al-Mufassir Muhammad Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, il a certes dit à son sujet où il avait un grand respect pour cet homme qui est Sheikh Al-Albani, au point même que lorsque Sheikh Al-Albani passait dans le haram Makki, Sheikh al-Shinqiti, il arrêtait son dars, se leva pour saluer l'imam Al-Albani, yani par grand respect de cet imam. Quant à Sheikh Yahya wa Sheikh Mugbel ou les autres mashayikh, yani leurs paroles sont bien connues, elles sont diverses et multiples. Tout a converti sur le fait que l'imam Al-Bani, rahimahullah ta'ala, il est un grand imam qui était vraiment convaincant dans ses arguments et qui a sacrifié sa vie au service de l'islam et de la sunnah. Fajazahullah khayran. Quant à la fiche d'identité, il y en a détaillé de cet imam, son nom, son lieu de naissance et autres. Nous allons commencer, inshallah, par son nom au complet. Donc, son nom, c'est Abu Abdurrahman Muhammad Nasir al-Din Ibn al-Hajj Nuh Ibn Najati, Ibn Adam, Al-Ashqoudari, Al-Albani, Al-Arnaouti. Donc Abu Abdurrahman, qui est sa kunya. Et cette kunya, Abu Abdurrahman, elle est réputée, elle est pour être celle des muhaddithin. Pour être celle des muhaddithin, elle est des savants du hadith. Car elle fait partie de la sunna, comme cela a été rapporté par Abu Daoud sur Ibn Umar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna habbal asma ila Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah wa Abdurrahman. Les noms les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont Abdallah et Abdurrahman. Donc, nul doute que les enfants les plus en droit d'être appelés de la sorte Abdallah et Abdurrahman sont les enfants de ceux qui sont les plus accrochés au suivi de la sunna et des messagers. Ces personnes-là sont autres que les muhaddithin, comme a qu'ala al-imam al-shaykh al-islam al-najdi rahimahullah ta'ala. Faqala, لما كانت سعادة الأولين والآخرين باتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بأثار المرسلين وأتباعهم لذلك ثم قال وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة انتهى. فان سيتاشو cet imam شيخ الإسلام النجدي nous dit, les personnes les plus en droit de suivre la voie des messagers sont ceux étant les plus informés de leur récit. En aucun doute, ces personnes-là ne peuvent être que les gens de la sunna et du hadith. Donc voilà pourquoi cette kunya est répandue auprès des savants du hadith, Abu Abdurrahman. Car le hadith d'Ibn Umar, qui a été rapporté par Abu Dawud, celui qu'on a évoqué précédemment, yani il incite à ce qu'on soit les pères des dénommés Abdallah et Abdurrahman. Quant à son prénom, c'est Muhammad Nasir al-Din. Bien que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nasr al-Din, yani le secoureur du din. Mohammed, en français, ça ferait le secoureur du din. Bien que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yani sans khilaf, yani c'est quelqu'un qui a vraiment secouru la sunnah. Comme on a pu voir dans les éloges des ulama contemporains de son époque. Mais reste à savoir, yani que l'appellation par des noms ou des surnoms tels que Muhyiddin, Nasr al-Din, Shams al-Din, Shihab al-Din, Izz al-Din, et l'akhiri, yani les noms qui sont annexés au din, Hakada din, dans lequel yani, il comprend une teskiya, une attestation d'honorabilité, a été critiqué yani, par les savants de cette communauté. Yani, le fait de s'appeler Nur al-Din, Izz al-Din, et l'akhiri, c'est une chose qui a été critiquée yani, par les savants de cette communauté. Cheikh Yahya, Hafidhahullah, il nous dit, les laqab, yani, qui sont Nasr al-Din, Majd al-Din, Izz al-Din, Nasr al-Din, et l'akhiri, sont des appellations que Cheikh l'Islam Taymiyyat rahimahou ta'ala a critiquées. Cela car, yani, ces appellations-là, elles n'ont jamais eu, comment ça s'appelle, d'existence, yani, dans le siècle lumière, yani, al-Qurun al-Mufaddala, ni à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans celle des compagnons, et ni dans celle, yani, de leurs successeurs. Radiyallahu anhum ajma'in. Et il dit, kathalika, que cette appellation, qu'elle soit employée, yani, comme prénom ou comme surnom, yani, elle comprend une teskiya. Elle comprend une teskiya, et c'est une chose yani, qui n'a pas le d'être. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme Siyati, فلا تزكوا أنفسكم. Cheikh Bakr Bouzaid, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans le Manahi al-Afdhiyya, yani page 92, quant à l'appellation yani, des Muhyiddin et l'Akhirihi, son jugement se résume en trois points. Le premier point, c'est que cette appellation, ces appellations-là, comme on a pu le voir précédemment, c'est une bid'a. Une chose qui a été inventé, qui n'avait pas lieu dans les siècles yani, de lumière. Et il nous dit que cette chose-là, yani, ces appellations-là, elles ont été importées par les noms arabes. Et il dit le deuxième point, c'est que, yani, qui montre yani, que ces choses-là sont critiquables, yani, le fait de s'appeler comme ça, c'est que ces appellations-là, awalan, tamam, elles sont interdites, elles n'ont pas lieu d'être employées pour les personnes qui sont, yani, pour les mécréants. Et ni les innovateurs, et ni les personne n'y en est perverti, désobéissant et les plaisantins. Ces personnes-là, les savants sont unanimes, comme on peut le comprendre dans la parole de Cheikh Bakr Bouzaid, qu'il est interdit que ces personnes-là, qu'elles soient mécréantes, innovateurs, mubtadi', y en est fasiq, aumadin, y en est celui qui plaisante beaucoup, ils ne doivent pas être appelés par ces genres d'appellations, muhyiddin et l'akhiri. Pourquoi ? Parce que y en est, ça ne leur va pas, ça ne leur convient pas. Après, il dit, troisième point, y en est quant à l'appellation, y en est par ces noms aux personnes autres, que les mécréants et les mubtadi', les savants, ils ont divergé sur trois, il y en a trois avis. Certains d'entre eux, ils ont dit c'est licite. Tamam. Celui qui est taqi, la personne pieuse, certains des savants, ils voient que c'est licite qu'il s'appelle comme ça, muhyiddin, ou ila akhirihi. D'autres, ils voient que c'est détestable. Et le troisième avis, c'est ceux qui voient que c'est carrément interdit. Il y en a celui qui s'appelle comme ça, ou se surnomme comme ça, il y en a, c'est un péché qu'il a commis. Et il nous dit, quant à la majorité des savants, ils ont penché plus vers la vie que s'appeler de cette manière-là, yani c'était makruh, détestable. Yani qu'il est vraiment préférable aux personnes qui s'appellent comme ça de délaisser ces appellations. Lakin alladhi yadhhar wallahu alam. Yani la vie qui me semble à moi, yani le plus correct et que ces appellations sont interdites. Pourquoi ? Parce que premièrement, elle contredit yani les versets explicites du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et il nous dit donc, ne vantez pas par vous-même vos puretés, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les personnes qui sont pieuses. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, où nous dit, yani Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ. Vois-tu ceux qui vantent la pureté de leur personne? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'étonne de son comportement, yani de ceux qui vantent leur personne. Il dit, Al-Mufassirun sont tous unanimes que les personnes qui sont visées dans ce verset-là, c'est les Yahoud. Mais ce verset-là, il n'est pas spécifique aux Yahoud. Il englobe aussi toute personne vantant la pureté de leur personne. Que ce soit yani, à juste titre, ou bien dans le faux. Tamam, ça englobe ces personnes-là. Les Juifs et tous ceux qui vantent leur personne, ce verset-là. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tamam. Il dit, Kadhalika, ce verset-là, il englobe toutes les appellations ou les surnoms comportant une teskiya. Yani, mitlum muhyiddin wa majdiddin, comme l'a évoqué l'imam Shawkani. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Balillahu izaki man yasha. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qui appartient de vanter la pureté de ceux qui souhaitent. Tamam. Donc ce verset-là nous prouve que ce n'est pas aux gens de s'appeler de cette sorte-là, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit et qui zaki, yani qui vante la pureté de qui il veut parmi ses serviteurs. C'est-à-dire que cela, yani, lui revient proprement à Allah azawajal. Il dit, yani, ajoute à cela que ces appellations, tamam, ces tazkiyah, ces appellations yani, qui comportent une tazkiyah, elle peut pousser les gens à aimer leur personne, à vouloir s'élever, à devenir fiers, vantards et orgueilleux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et ne vantez pas la pureté de vos êtres. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ceux qui craignent. Donc on peut conclure par ce texte et par la parole de l'imam Shawkani que ces appellations sont interdites. Yani, celui qui s'appelle comme ça Muhyiddin, Majduddin et l'akhirihi, yani, il a commis une interdiction, yani, qui en suit un péché. Et cela, pour trois points. La première, c'est que comme l'a évoqué Cheikh Yahya, Hafidhahullah Ta'ala, et kadhalika Bakr Abu Zayd, ces appellations-là, c'est une bid'a, une chose qui n'avait pas lieu, pas d'existence dans les siècles yani, de lumière. Al-Qurun al-Mufaddala. Ça, c'est le premier point qui nous prouve que ces appellations soient une interdiction et plus proche. Le deuxième point, c'est que ces appellations sont contraires yani, au verset explicite du Coran qui les réprimande, comme on a pu le voir dans les deux versets qui ont été précédemment cités. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum wa qalu subhanahu wa ta'ala fala tuzakkuna anfusakum. Tamam. Cela yani, est contraire à ces versets-là. Troisième point qui prouve ou qui nous montre que cet avis, que le fait de s'appeler comme ça c'est interdit, c'est qu'il y a là, comme a évoqué l'imam Shawkani, dans ses appellations, une porte ouverte à devenir orgueilleux. Wa ulam al-usul, ils ont une règle, une qaida qui est bien connue chez eux, qui est al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Le jugement d'une chose est en rapport de ce que vers quoi yani, cette chose-là elle aboutit. Donc nous, quand on regarde ces appellations, comme nous l'a fait pressentir l'imam Shawkani, elles peuvent ouvrir la porte à quoi? À l'orgueil. C'est quoi le jugement de l'orgueil dans l'islam? C'est l'interdiction. Donc le fait de s'appeler yani, par ces appellations-là, ça ouvre une porte à devenir orgueilleux. Donc la chose qui t'ouvre la porte à devenir orgueilleux et qui est une interdiction devient kadhalika une interdiction. Pourquoi? Parce que ça te ramène à être et ça te pousse à une interdiction. Le jugement d'une chose est en rapport de ce qu'elle vers quoi elle aboutit. Donc, Wallahu A'lam, le jugement le plus proche par rapport aux appellations mithlu, mihiddin et l'akhiri, c'est qu'elle soit interdite. Donc, il revient aux personnes qui sont surnommées ou nommées de la sorte qu'ils le changent. Il y en a qui changent ce nom-là et qui choisissent un nom qui est plus approprié. Car comme l'indique al-hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa sahahahu Sheikh al-Albani, tamam, hadith Abu Shurayh qui est connu dans le kitab al-Tawhid, yani cette personne-là s'appelait, ce sahabi s'appelait Abu al-Hakam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su yani qui s'appelait de la sorte et qui n'est pas appropriée, qui est interdite, il lui a dit, pourquoi t'appelles-tu comme ça? Il a dit, parce que yani les gens de mon village ont pour habitude de venir ou de revenir à moi dans leur jugement. Donc ils m'ont appelé Abu al-Hakam, celui qui juge. Tamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu des enfants? Il lui a dit oui. Et parmi ses enfants, il y avait Shurayh. Il a dit, tu n'es pas Abu al-Hakam, mais tu es Abu Shurayh. Et ce hadith-là nous prouve que les noms qui ne sont pas appropriés, tamam, ils doivent être changés. Ils doivent être changés. Et cela, il y en a qu'on voit que la vie soit partagée entre le fait de croire ou d'avoir conviction que ces appellations sont détestables ou interdites. Il faut délaisser ces appellations car tous deux yani, sont réprimandables. Les deux sont réprimandables. Wa qad afta bidhalika Sheikh al-Fawzan, yani que les choses, les noms qui ne sont pas appropriés, ils se doivent d'être délaissés, et le hadith yani le prouve. Tamam. Wal mas'ala fi khilaf. On n'impose à personne yani de prendre cet avis, mais toute personne yani inchallah, il regarde le sujet et l'avis qui voit qu'il est le plus proche, il le choisit. Tamam. Fa narji ila tarjamata Sheikh Donc on disait qu'il s'appelait, sa kunya c'est Abu Abdurrahman Muhammad Nasruddin Ibn al-Hajj Nuh Ibn Adam Al-Ashqudari Al-Albani Al-Arnauti. Tamam. Donc son père, qui est Al-Hajj Ibn Nuh, c'est le nom de son père. Il était une personne inconnue pour être pratiquante, dévouée pour sa religion et impliquée dans son din. Son père était un diplômé d'une institut religieuse à Istanbul. Après ses études, il est revenu en Albanie, pour enseigner et éduquer les gens. D'ailleurs, son père, il fut dénombré parmi les savants du Madhab, yani al-Hanafi, dans son époque. Quant à son grand-père, c'est Adam, même qu'on a pu le citer, Ibn Adam. Son grand-père, yani rien de particulier a été évoqué quant à sa biographie. Al-Ashqudari, qui est une ville en Albanie, la ville où il est né, Cheikh al-Albani, yani qui est dit en français, Shkoder. Yani ça s'écrit S-H-K-O-D-E-R. Yani qui est une ville qui se situe au nord-ouest de l'Albanie et qui est proche des frontières du Monténégro. Cette ville-là, dans laquelle est né l'imam al-Albani, était la capitale de l'Albanie, et auparavant, dans le vécu de l'imam al-Albani. Al-Arnaouti, c'est une appellation que les Ottomans, yani les Turcs, ont donnée à l'Albanie. Donc celui qui dit al-Albani ou al-Arnaouti, c'est la même chose. Donc les deux, c'est la même chose. Arnaouti ou al-Albani, yani tous les deux convergent sur le même pays qui est l'Albanie. Tamam? L'imam al-Albani est né en 1333 de l'Égypte, qui correspond en 1914 miladi. Il est né en Albanie, dans la ville, comme on a dit, de Shkoder, yani al-Ashkoder, au sein d'une famille pratiquante mais qui était pauvre. L'imam al-Albani quitta l'Albanie depuis son jeune âge pour rejoindre la Syrie, et cela par décision de son père, qui préféra préserver l'honneur de la religion de sa famille à la laïcité qui était mise en place par Ahmed Zahrou, le roi qui était en place à l'époque de l'imam al-Albani, ou de son père. Donc il a quitté l'Albanie pour préserver sa famille de la laïcité, de peur que sa famille yani, prenne un mauvais chemin et entre dans la laïcité. Ceci nous prouve yani, que cette personne-là était pratiquante. Donc son père, il a choisi de s'exiler en Syrie, à Dimashq, yani, à Damas, yani, la capitale de la Syrie, qui est bien Ma'roufa. Ville dans laquelle yani, cet imam, al-Albani, a terminé ses études primaires avec un niveau très élevé. Yani, les gens de son époque, à partir de la primaire, ils ont pu témoigner de l'intelligence de cet imam depuis la primaire. Mais son père, il en a vu que c'était quelqu'un de pratiquant et attaché à son dîn, afin de préserver la religion de son fils, il a décidé qu'il quitte l'école primaire, l'école publique, pour un programme religieux que son père lui-même avait mis en place pour l'imam al-Albani. Donc il a quitté l'école publique et pour suivre un programme que lui-même avait mis en place, dans lequel l'imam al-Albani a appris le Coran avec lui, avec les ahkam de tajwid, les règles de tajwid, après la grammaire à Nahwo et la jurisprudence selon la compréhension yani, du fiqh al-Hanafi. En dehors de ses préceptes religieux que l'imam al-Albani a appris avec son père, il a aussi profité de la profession d'horloger qu'exerçait son père, profession par laquelle cet imam yani, a commencé à gagner sa vie. À l'âge de 20 ans, l'imam al-Albani a pris l'initiative d'étudier la science du hadith. Malgré que son père, à multiples reprises, yani lui a certes déconseillé d'étudier le hadith. Parce qu'il voyait que c'était une science qui le poussait à délaisser l'étude du madhab al-Hanafi. Donc il le mettait en garde de ne pas rentrer dans ces études-là pour qu'il préserve ses connaissances dans le madhab al-Hanafi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu une chose yani beaucoup plus grande pour l'imam al-Albani, qui est de devenir ce qu'il est devenu, al-Mujaddid, l'imam al-Muhaddith. Depuis ces jours-là, yani depuis cet âge de 20 ans, l'imam al-Albani n'a cessé de s'investir dans cette science du hadith, yani jour après jour. Son attachement pour cette science n'a cessé de grandir jusqu'à yani, d'en être connu auprès des gens de Damasque. Yani, ils ont reconnu sa grande dévotion et son grand attachement, son amour pour la science du hadith. Et parmi les choses qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est devenu, il y en a l'immense Maktaba al-Zahiriya, dans laquelle il a fortement profité et a grandi ses connaissances. A savoir que l'imam al-Albani, il lui a été confié un double de la clé de cette Maktaba al-Zahiriya, dans laquelle il y en a qui est une des plus grandes Maktaba que l'islam, du patrimoine islamique. Une grande Maktaba dans laquelle s'y trouvent les kutub de Sunna, l'Yamna Dimashq, c'était une ville qui a connu des grands ulama. Parmi eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc une Maktaba qui était remplie de sciences et beaucoup de kitab des gens de la Sunna. Donc il en a profité énormément dans lesquels il s'est sacrifié beaucoup à la lecture des livres qui étaient dans cette Mektaba. Il en a profité pour agrandir ses connaissances. Dans la seconde étape de sa jeunesse, l'imam Al-Albani s'est mis à écrire. Il a profité vite du fait de cette Mektaba-là et du fait du grand tawfiq min Allah Azza wa Jal. Il s'est mis à écrire et à publier des livres. Et le premier livre qui lui a été connu, qu'il a écrit, qui a été publié, c'est Tahdhir al-Sajid min Ittikhad al-Qubur al-Masajid. Ce livre-là est bien connu, a été publié plusieurs fois. Puis ensuite, de suite en année, de jour en jour et d'année en année, il s'est mis à emmagasiner les écritures et les livres jusqu'à avoir cet étonnant nombre d'ouvrages qui lui est attribué. Et parmi les grands ouvrages, il y en a qui est bien connu de l'imam, il y en a As-Silsilatayn, Silsilat al-Hadith al-Da'ifa wa Sahiha. Et ça, c'est sans ajouter, ça c'est par rapport à ce qu'il faisait au niveau de l'écriture, mais c'est sans ajouter à cela, les nombreuses prédications, les conférences, les cours, les khutabs, les discours, les serments, et les nombreux postes d'enseignants, de membres de comités et d'éditeurs qui lui ont été administrés. C'était quelqu'un qui avait un emploi du temps qui était très chargé au niveau de la da'wah et l'Allah Azzawajal. Cheikh Albani, comme c'est le cas des adeptes, des messagers, il a été éprouvé dans sa vie et même après sa mort. Et cela, c'est la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceux qui suivent les messagers. قال الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Dans ces versets et d'autres qui sont très nombreux à ce sujet, tous convergent sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie du décret d'Allah azza wa jal et de sa hikma, qui nous éprouve, que ce soit les uns les autres ou par d'autres choses. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit dans ce hadith authentique que les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur sont semblables, puis ceux qui leur sont semblables. Parmi les épreuves qui ont été évoquées dans la biographie de cet imam, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est qu'il a été exposé deux fois à la prison. La première fois en 1967, tamam, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après sa naissance. Vers l'âge de 50 ans, sa première incarcération était en 1967. Et cela, c'était dû, car l'imam Al-Albani, c'était quelqu'un qui prononçait la vérité et n'avait pas peur de la prononcer, même si jamais il vivait dans une ambiance où les gens avaient plus une tendance à suivre les écoles de jurisprudence que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, ça ne l'a pas empêché de prononcer et de prôner la vérité, qui lui a coûté l'incarcération en 1967, dans la même prison dans laquelle a été enfermé l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fil qal'a allati fi Dimashq, dans la même prison. Puis ensuite il a été libéré pour être une deuxième fois incarcéré, et cela pour une durée beaucoup plus longue que la première fois. La première fois il a été incarcéré un mois. La seconde fois, il a été incarcéré 8 mois. Mais alhamdoulilah, ça ne l'a pas empêché de s'investir dans la science. Dans ces 8 mois-là, il a eu le moment d'accomplir le tahqiq du Mukhtasar de l'imam muslim qui a écrit à l'imam al-Mundhiri. Il n'a pas perdu son temps dans la prison. Il en a profité pour accomplir l'investigation du résumé du recueil de muslims qui a été écrit par l'imam al-Mundhiri, ma'ruf. Quant au décès de cette personne, de cet imam, qui fut une grande musiba pour l'Ummah, comme l'a évoqué Cheikh Abdul Mursi al-Abbad, il a vu ses jours s'achever un vendredi, le 28 de Jumada, de l'année 1420, qui correspond au 2 octobre 1999. Cet imam enjoignait, si jamais après sa mort, la piété, et que les gens s'affilent au minhaj, c'était une wasiyah, c'était un testament qu'il a fait aux muslimines. Il a fait un testament à sa famille, et kadhalika, il avait fait un testament avant de mourir pour les muslimines, dans lequel il les a enjoints la piété, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'enjoint à ses serviteurs. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes enjoint aux personnes vous ayant précédé parmi l'ahl al-kitab ainsi qu'à vous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a enjoint la piété comme Allah subhanahu wa ta'ala l'enjoint. Et il a enjoint kathalika, il y en a l'affiliation, il y en a pour tout le monde au minhaj al-salafi, et de mettre en pratique le Qur'an et la sunna, de rester des frères, yani, de préserver la fraternité, et d'observer yani, ad-da'wa ila Allah azawajal, yani, de ne pas avoir d'inqita' d'interruption dans la da'wa ila Allah azawajal, et la demande kathalika qu'il soit enterré yani, dans les lieux les plus proches yani, qu'il se trouvera yani, au moment de sa mort. Et tout cela a été fait. Kathalika il a enjoint que ça soit fait le plus rapidement possible et que les personnes assistant à son décès ou à son enterrement observe l'éthique, les mœurs qui doivent être observées yani, dans les lieux de yani, comment ça s'appelle, dans les janazas. Et après sa mort, comme on a pu l'évoquer, il a été prouvé avant sa mort et après sa mort. Après sa mort, il a été prouvé par des langues yani, tendues qu'ils ont évoqué des choses injustement yani, sur cet imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yani, de nombreuses choses ont été évoquées sur lui. Yani, certains d'eux ont dit yani, c'était un mutasahil fil ahkam. Yani, il avait du laxisme. Yani, dans le jugement des hadiths. D'autres ont dit encore plus grand que ça. C'est un murji. Quelqu'un qui est sorti de la sunna. Tamam. Et d'autres choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de fiqh. Il connaît le hadith, mais il n'a pas de fiqh. Il n'a pas de compréhension des moutons. Tamam. Alors que Sheikh Al-Uthaymin, il a bien témoigné que c'était quelqu'un yani, que tu pouvais toi-même témoigner à travers ses livres, ses ouvrages, qu'il avait une grande science, que ce soit dans la chaîne des transmissions ou dans les textes. Tamam. Mais ça ne l'aura pas suivi yani, pour quand même yani, dénigrer cet immense imam. Mais quoi qu'il en soit, yani, ces accusations qui ont été portées à l'imam Al-Bani, le discrédit qui lui a été jeté, yani, revient sur ces personnes-là. Car comme l'a dit l'imam Abu Hatim Ar-Razi, « Min alamat ahl al-bida' al-waqi'ati fi ahl al-athar » yani, parmi, ou dénigrer les gens du suivi, c'est un signe prouvant yani, le suivi de la passion de la personne qui dénigre. Tamam. Yani, c'est un mal qui leur revient à eux. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى لحوم العلماء مسمومة وحدك الله أستار متنقسهم معلومة فمن ابتلاهم بالثلب ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالعطب. Cet imam nous dit la chair des savants est empoisonnée. Yani, il fait allusion au verset dans surat Al-Hujurat. قال الله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite manger la chair morte de son frère? Forcément, vous y trouverez de la répugnance. Il en est de même pour la calomnie, yani al-riba. Yani dans ce verset-là, il est fait compris que riba, la calomnie, elle est semblable à la chair morte qui a été, comment s'appelle, dévorée. Et celle de savant, elle est empoisonnée. Donc ceux qui s'adonnent à dénigrer les savants, injustement, sans preuve, tamam, ils ne font que, c'est comme si jamais ils étaient en train de manger de la chair morte, en plus de ça, empoisonné. قال الإمام ابن عساكر لحوم العلماء مسموم. يعني la chair des savants est empoisonnée. Le voile des personnes les dénigrant est vite dévoilé. Ceux qui seront éprouvés à les rabaisser, Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver en les anéantissant. Tamam. Et parmi les choses qui ont été évoquées, ils ont dit yani Cheikh Al-Albani, les murji. C'est-à-dire le murji, c'est ceux qui disent que les œuvres sont une condition accomplissant la foi et non la validant. Tamam. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à la croyance des gens de la sunna. Tamam. L'imam Al-Albani, dans une des kalimas, dans une des paroles qu'il a eues, qui a été enregistrée, il a dit, elle est la même parole que les murji'a. On est avec ces personnes-là qu'ils ont critiquées sur le fait de dire que la parole qu'il a dit, cet imam, c'est une parole qui est critiquable. Car elle est contraire à la croyance des gens de la sunna. Car les gens de la sunna ont pour définition de l'iman qu'il est yani, التصديق باللسان والقرار بالقلب والعمل جزء من الإيمان. Yani, l'amal il fait partie de la foi. Et il n'est pas une condition accomplissant la foi. Cette condition, yani, qui valide la foi. Celui qui la délaisse, yani, sa foi ne sera pas acceptée, elle sera invalide. Tamam. Mais est-ce que yani, pour cela, il nous est droit yani, de dire de l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que c'est un murji? Non. Parce que comme l'ont évoqué les ulama du Jahf wa Ta'dil, c'est pas toute personne qui tombe dans une bid'a, qui prononce une bid'a, yani, qui est forcément un mubtadi'. Tamam. Parce qu'il y a des choses qui empêchent de juger de cette personne-là qu'il est mubtadi'. Wa min al-mawani' al-jahl. L'ignorance. Wa min al-mawani' يعني الإكراه كي سوا كونتخان كي لي كونتخان avoir dit cette parole là. ومن الموانع كذلك بارك الله فيكم يعني موانع كثيرة. Donc avant de juger d'une personne de la faire sortir de la sunna ou de la faire sortir de l'islam, on se doit quand même avant tout cela yani, de le conseiller. On le conseille si jamais il perdure à rester sur les idéologies qu'il a. Après les nombreux conseils, la personne, si elle voit que c'est le suivi des passions qui le pousse à dire cette chose-là qui est contraire à la doctrine des gens de la sunna, effectivement, après cela, il sera jugé par rapport à la parole qu'il aura dit. Tamam. Mais si la personne, comme c'est le cas de l'imam al-Albani, à qui le conseil n'a pas été présenté, à qui on n'est pas sûr, il y en a qui l'a dit ça avec conviction vers ces paroles-là, on ne peut pas juger de cette personne-là qu'il est un murji abadan. Surtout lorsqu'on sait que ses livres, sur comme Al-Dhab Al-Ahmed, An Musnad Al-Imam Ahmed, ou Kadhalik Fi Sharh Al-Tahawiyah, yani ces livres-là sont remplis de paroles de l'imam Al-Albani qui nous prouvent que sa croyance est telle à la croyance des gens de la Sunna. Yani dans ces livres-là, il a évoqué la même définition qu'ont les gens de la Sunna par rapport à l'imam. Donc yani dans un texte ou dans une kalima, il a une parole qui est contraire à la doctrine des gens de la Sunna, et dans d'autres livres, il a une parole qui correspond totalement aux gens de la Sunna. Donc quoi faire dans ce genre de situation? Cette parole-là qui correspond à celle de Murji'a, on dit que Cheikh Al-Albani, dans cette parole-là, il a eu tort. Est-ce que c'est un mubtadi'? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la certitude qu'il a dit avec conviction, et le conseil ne lui a pas été présenté. Donc on ne peut pas se permettre de faire sortir quelqu'un de l'islam, pas de la sunna, que par certitude. À partir du moment qu'il est rentré dans la sunna avec certitude, on ne peut pas le faire sortir de la sunna que par certitude. Donc cet imam-là, comme l'a évoqué Cheikh Yahya et d'autres, c'est quelqu'un de salafi. Il lui a été posé la question, est-ce qu'on peut dire que l'imam Al-Albani, c'est un murji, min murjiat al-fuqaha? Il a dit, la personne qui dit ça, elle dit qu'elle craint Allah Azza wa Jal. C'est une parole qui est vraiment lourde. Cheikh Al-Albani, il est connu pour être l'imam Al-Mujaddid, Cheikh Al-Islam de ce Asr. Donc, cette parole-là, yani, est vraiment fausse. Wa kadhalika mimma qila ala Cheikh Al-Albani, Inch'Allah, pour conclure, il lui a été dit, beaucoup de paroles ont été dites à son sujet, mais pour conclure, Inch'Allah, ils lui ont dit, yani mutasahil fi ahkam, yani al-hadith. Malgré que, yani, comme on a pu le voir, les éloges des savants, tous convergent pour dire que c'est une personne dont on n'a jamais vu yani, de précédent dans le hadith, yani, dans ce siècle-là. Et en rétribution de ça, yani, il se fait accuser, ou il le met comme tohma de dire que yani, le mutasahil fi al-ahkam. Yani, hadha al-qawl, qawlun batil. Yani, l'imam al-Albani, wala nuzakka al-Allah yahadan, c'est quelqu'un, c'est un homme comme un autre, qui se trompe et qui peut avoir raison. Tamam. Mais le fait de dire qu'il est mutasahil, ça c'est un ta'an shadid. On dit qu'il est mujtahid, quand même qu'il a fait des efforts de recherche. Ces efforts, yani, peuvent aboutir sur, yani, comment ça s'appelle, la vérité, et comme il peut se tromper. Amma dire qu'il est mutasahil, yani amdan, yani yata'ammad, yani fi al-hukm al-hadith, yani an yatasahal fi, ça c'est un hukm, yani ça c'est quelque chose de shadid, car il était connu, yani l'attachement pour la sunna, et non pas, yani le laxisme dans la sunna. Donc de dire qu'il avait du laxisme, ça c'est une parole yani, qui n'a pas lieu d'être sur cet imam, malgré que c'est quelqu'un yani, qui n'est pas ma'soum, il se trompe. L'imam al-Bukhari, Amir al-Mu'minin fil hadith, tamam, l'imam Dar Qutni, il lui a critiqué plus d'une centaine de hadiths, alors que c'est l'imam Amir al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin fil hadith, tamam. Malgré cela, yani, dans son sahih, malgré que certaines choses dont ils ont été critiqués, yani, on n'est pas d'accord avec, mais yani, ils ont été critiqués, car les cas, yani, même musulmans, yani, dans son sahih muslim, il y a des hadiths qui ne sont pas yani, authentiques. Il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais malgré cela, est-ce que c'est un ta'an sur lui? Non, c'est un effort de recherche qu'il a fait. Yani, fa ma asaba minhu fa alhamdulillah, fa lahu ajran, wa ma akhta'a fihi fa lahu ajr. Il aura une récompense par rapport à l'effort de recherche qu'il a fait, mais il sera remercié par rapport à cela. Donc, Inch'Allah, ça c'était yani, vraiment un bref aperçu de la. De la biographie de cet imam Abdurrahman Mohamed Nasser al-Din. Avant de rentrer, Inch'Allah, je pensais aujourd'hui qu'on allait pouvoir rentrer dans le livre, mais lakin qaddara ma sha'a fa'al, par rapport à la connexion yani, qui nous a retardé. Donc Inch'Allah, on va conclure sur ce dernier point, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettre dans ce cours une baraka et un naf'a, un profit pour l'islam et les musulmans. Wa inshallah, yani, la semaine prochaine, on rentrera dans le vif du sujet, connaître un peu yani, qu'est-ce que comprend ce livre, tamam, qui est la salah, le jugement de la salah. Et inshallah, on rentrera directement dans ces passages du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassir lana al-istimrar fi hadha al-barnamaj alladhi nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu fihi al-baraka wa an yuyassir lana wasa'il al-'ilm. S'il y a des questions ou des choses qui n'ont pas été claires dans ce cours, n'hésitez pas à en faire part tout de suite inshallah. Ou inshallah, on conclut sur ça. Là, il y a une question qui a été posée, le fait que Cheikh Yani al-Albani il a étudié tout seul, yani, qu'en disent les savants. Et c'est marouf, yani, Hatta Cheikh Al-Fawzan, il dit dans le kitab, justement, sur le Thalatha, yani, l'ilm, c'est que tu prennes la science oralement, yani, des meshaïchs, yani, tu t'assois devant eux, et tu prennes la science devant eux. Ça, c'est l'asl. Yani, les sahaba, c'est pas connu qu'ils ont pris l'ilm tout seul. Ils sont assis devant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profité de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils sont devenus. Et qu'à dans les cas, ceux qui sont venus après eux, et la akhiri. Tandis que Cheikh Al-Albani, ça, c'est une accusation qui est fausse. Il a eu des meshaïchs qui ne sont pas connus, tamam. Beaucoup d'entre eux, yani, au début de sa jeunesse, c'était des Hanafis. Parmi eux, son père, Awalan. Son père, c'est un alim. Alim du madhab yani, Hanafi, lakin alim. Avec lui, il a appris, comme on a vu, yani, le Coran, il a appris le Nahou, il a appris yani, le fiqh, le Hanafi. Ou en kana, yani, le fiqh, le Hanafi, il y a beaucoup de mukhalafat par rapport au suivi du Prophète. Il y a des sujets dans lesquels yani, qui correspondent à la vérité. Il a pris Kadal et Kadal, et parmi d'autres, comment s'appelle savant, il y en a à l'époque en Syrie. Donc le fait de dire qu'il a étudié tout seul, non, ça c'est pas vrai. Il a eu des savants qui sont pas connus, mais il a eu des savants. Reste-t-il des questions par rapport au cours? On conclut sur ça? Ou y a-t-il encore des questions? Naldaqi inshallah fi l'usba al-qadim. On nous Allah subhanahu wa ta'ala en yusibakum ala al-hudur wa al-sabr. ونكتفي بهذا إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله يحفظكم